Et voici Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, et bien aujourd'hui, Mathieu Amiech et Julien Materne vont nous présenter leur ouvrage Le cauchemar de Don Quichotte, retraite, productivisme et impuissance populaire, un ouvrage qui est paru aux éditions La Lenteur en 2013. En fait, c'est une réédition, puisque la première édition est parue en 2004, juste après le mouvement contre la réforme des retraites dite Fillon. Et je vais vous lire juste un petit extrait de la préface à la réédition qu'ont rédigé les auteurs en 2013. Il nous semble intéressant de rediffuser aujourd'hui cet ouvrage, puisqu'il est en effet probable que le démontage de la protection sociale héritée de l'époque fordiste va connaître en France aussi un violent coup d'accélérateur dans les mois, sinon les années à venir. L'accumulation de capital est en panne sous nos latitudes, sans doute durablement. Et face à ce blocage du mécanisme fondamental d'enrichissement de la société, face au risque de volatilisation de l'immense richesse monétaire en circulation, les classes dirigeantes n'ont qu'une idée en tête, freiner la chute en extorquant le plus possible aux populations. Parmi les nombreux rackets en préparation, une énième réforme des retraites est annoncée en France par l'oligarchie. Commission européenne, presse économique, hommes politiques, patronat, experts patentés en réformes nécessaires, etc. Sa principale originalité est qu'elle devrait être cette fois conduite par la branche social-démocrate du gang. Donc voilà, on va écouter cette présentation par les auteurs. Elle avait été réalisée en août 2005 sur les ondes de Radio Zinzine. À l'époque, il y avait tout un ensemble de personnes qui passaient sur la colline. Et il est fait référence dans cette émission au référendum qui avait eu lieu le 29 mai 2005. Référendum sur le traité établissement de la Constitution européenne. Ce référendum, le non l'avait emporté à presque 55% des suffrages. Dans le contexte de l'époque, c'était un démenti apporté aux élites. Donc autour de la table, il y a Cédric qui pose plusieurs questions aux deux auteurs, Mathieu Amiech et Julien Materne. Il y a aussi Tristan et, vers la fin, un petit coup de téléphone d'Alex. Une émission autour du cauchemar de Don Quichotte, un livre dont nous avons les deux rédacteurs dans le studio. Avec Mathieu et Julien, on va pouvoir peut-être commencer sur à la fois qu'est-ce qu'il y a dans ce livre et pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce bouquin. En fait, donc ce qui se passe, c'est qu'on a été... On a participé à pas mal de choses pendant les événements donc, du mois de mai et juin 2003, qui était donc, on peut dire, le plus gros conflit social en France, au moins depuis 1995, et peut-être même un peu plus en fait, puisque le 13 mai 2003, il y a donc 6-7 millions de personnes qui sont en grève. Et de notre point de vue, nous, le sentiment qu'on a eu pendant le conflit, c'est que même si les transports n'avaient pas été bloqués, en fait, ce qui fait qu'il n'y a pas eu un effet de levier, un effet psychologique aussi fort qu'en 95, ce qui a posé un moment d'anormalité et de conflit. Et même si donc, finalement, paradoxalement, le conflit a eu du mal à être posé vraiment et à être rendu public, en même temps, nous, le sentiment qu'on a eu, c'était que, par exemple, il y avait jamais eu, peut-être depuis quasiment les années 70, autant de gens du secteur privé, autant de non-fonctionnaires qui étaient en grève soit larvée, soit en grève véritablement, dans des petites entreprises, etc. C'était quelque chose d'assez diffus et de pas toujours facilement vérifiable, même, et c'est quelque chose qui n'est pas couramment dit. Et donc on a eu un sentiment qui se passait un petit peu quelque chose, qui avait un peu de révolte dans l'air, avec des blocages de villes, des sièges du MEDEF incendiés, des choses un petit peu originales. Et en même temps, un sentiment d'impuissance totale, où les gens, ce qu'on pouvait lire dans les journaux, ce qu'on pouvait entendre dans les manifs, la lutte se centrait sur les réformes de l'éducation nationale à ce moment-là, et sur le plan Fillon, le gouvernement a eu la maladresse de prévoir à la fois un certain nombre de coupures budgétaires assez importantes dans l'éducation nationale, et une remise en cause frontale du régime de retraite par répartition hérité de l'après-guerre. Et donc la conjonction des deux a provoqué ce mouvement. Et en même temps, donc l'idée c'est que les gens se battaient plutôt beaucoup plus que d'habitude. Et à aucun moment il y avait le sentiment de pouvoir, ne serait-ce que sur ces points-là, obtenir le retrait de la réforme dans l'éducation nationale et surtout de la réforme des retraites. Les gens n'y croyaient pas. Il y avait un discours de fatalisme, un discours du type c'est un baroud d'honneur, nous sommes là pour l'honneur, on sait qu'on va perdre, mais il ne sera pas dit qu'on n'aura pas défilé, qu'on n'aura pas fait quelques actions de sabotage, quelques manifestations de mécontentement un peu musclées. Donc c'était une ambiance assez bizarre, où on sentait qu'il n'y avait pas de... Les gens n'y croyaient pas vraiment, n'avaient pas envie d'aller jusqu'au bout. Et donc effectivement, notamment les profs qui ont eu la lourde responsabilité de porter tout en grande partie du mouvement, au moins médiatiquement, ont reculé devant la perspective de bloquer le baccalauréat, le sacro-saint examen. Et donc effectivement, le gouvernement, les réformes du gouvernement, du méchant gouvernement de droite, sont passées sans heurts au mois de juin. Donc nous, on a été à la fois assez impliqués, on a été assez sensibles à ce climat, et ça nous a donné envie, ça a accéléré l'envie de faire quelques mises au point, qui pour nous s'imposaient à la suite un peu de notre évolution personnelle et collective, d'un certain nombre de rencontres, d'un certain nombre de lectures. Donc en gros, l'idée, c'est de se dire, voilà, s'il y a ce sentiment d'impuissance, si en fait, même quand ils se battent, ce qui arrive, même quand ils se battent un peu sérieusement, les gens en fait n'y croient même pas, c'est qu'il y a un blocage au niveau des idées, au niveau des perspectives, et que ce type de mouvement social s'interdit de faire plus que réclamer un capitalisme à visage humain, ou le retour d'un soi-disant capitalisme à visage humain, en référence à une période soit dorée, soit moins pire, qui serait donc les Trente Glorieuses, l'après-guerre, où la violence capitaliste avait été, ou disons, où, voilà, on s'était arrangé pour que les gens voient essentiellement les bons côtés, quoi, en Occident, dans les pays industriels avancés. On a le sentiment que si les gens se limitent à ça, et ils s'interdisent d'aller au-delà, et finalement c'est sans doute en grande partie pour ça, à la fois ils voient que c'est impossible, à la fois une grande partie des gens, tout en se limitant à ces mises en cause-là, voient à peu près que c'est impossible. Bon, ils voient aussi que aller au-delà, c'est pas non plus complètement évident, que les issues aujourd'hui sont pas vraiment, on n'a pas de tapis rouge vers un grand soir ou vers un basculement, vers un changement de civilisation. Bon, mais donc on a eu envie de faire une mise au point. Il est clair que pour nous les luttes contre les OGM avaient été assez importantes. Pour nous, ça nous avait amené à des lectures qu'on n'avait pas faites jusque-là, ou à approfondir des thèmes qu'on avait fait qu'effleurer dans nos études. Et donc pour nous, bon, nous on est un peu des... En gros, on est des bons élèves, quoi. On est des bons élèves du lycée républicain. On a fait beaucoup d'études, on a appris beaucoup de choses. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment, on s'est retrouvé face à une situation où on avait un certain nombre d'intuitions, quoi, qui commençaient à apparaître, à se préciser, de choses qu'on sentait vraiment très claires. Bon, par exemple, quand on a commencé vraiment à réfléchir à la question de l'agriculture, qui est un truc que personne ne réfléchit jamais dans le cadre des débats, en faculté d'économie, de sociologie, je veux dire, c'est très périphérique l'idée que l'agriculture industrielle pourrait être quelque chose de vraiment fondamentalement négatif. C'est vraiment très difficile d'être amené à penser ça quand on est sur les bancs de la fac ou du lycée ou des classes préparatoires. Et donc, il nous a fallu recommencer, enfin, je dirais presque recommencer un peu nos études, quoi, c'est-à-dire repartir sur complètement d'autres références, découvrir des pans entiers de réflexion, de pensée, des courants, quoi, qu'on nous avait cachés, entre guillemets. Donc voilà, on a voulu un peu à travers ce bouquin faire le point, et donc notamment souligner que la gauche alternative, la gauche qui persiste, les gens qui persistent à s'opposer au libéralisme économique, en même temps sont généralement très très loin de toute critique un peu poussée et un peu cohérente du productivisme, et qu'en gros la gauche, et à la limite plus elle est radicale, plus soi-disant radicale, plus c'est vrai, est totalement prisonnière de l'idéologie du progrès. Et donc voilà, ça nous semblait quelque chose de très important à ébranler. Voilà. Oui. Écrire un livre, c'était aussi l'occasion d'essayer de dire des choses qui ne peuvent peut-être plus être dites aujourd'hui. Le chantage que cette société impose à chaque individu est tellement grand que on s'est rendu compte que dans les discussions... Simplement, certaines choses ne pouvaient pas être dites parce que les discussions dérivaient immédiatement en conflit de personnes. Et ben donc voilà, le fait de poser des choses par écrit, ça nous permettait, nous, de clarifier aussi les idées, de faire un certain nombre de recherches. Et en même temps, ben, on avait l'espoir que ça permettrait de poser mieux les débats, d'essayer d'avancer un peu plus. Parce que c'est vrai que dans les discussions qu'on avait, ben, on tournait toujours en rond autour des mêmes, autour des mêmes tabous, des mêmes insultes éventuellement. Et ça nous semblait vraiment très très stérile. Bon, en même temps, c'est pas pour rien. De ce point de vue-là, ben, c'était une bonne expérience. Et en même temps, enfin, je sais pas, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on était un peu déconcertés des échos qu'on a eus autour de ce livre. Avant de peut-être venir donc aux conséquences du bouquin, c'est peut-être expliquer un peu plus précisément ce qu'il y a dans le livre quand tu parlais des courants de pensée cachés ou d'aborder certaines idées ou dépasser certains blocages. En fait, le livre est organisé en trois bouts, quoi, en trois morceaux. Donc après moult débats, on a choisi de poser d'abord d'essayer de régler un peu leur compte, de commencer par régler leur compte aux économistes de gauche, à toute cette mouvance qui est apparue à la suite des grèves de 95, de contre-expertise citoyenne, antilibérale. Bon, les économistes du monde diplomatique, proches d'attaque, proches des syndicats sud, parfois des courants un peu trotskistes, de la Ligue communiste révolutionnaire. Bon, il y a des gens dans ce milieu qui sont vraiment peu recommandables et totalement infréquentables. Il y a parfois des gens qui, humainement, sont pas totalement détestables. Et donc, bon, bah, nous, ça nous a mis dans une situation un peu particulière. On s'est retrouvés à écrire donc des choses sur quelqu'un qui avait été notre prof à l'université de Nanterre et qui est maintenant un peu notre patron, notre supérieur hiérarchique, disons, en tant que doctorant. Donc, c'était un peu folklorique. On voulait que ce soit un bouquin qui parle avant tout de la vie quotidienne. Bon, on a placé en tête du livre un débat un peu théorique et un peu économique sur donc les alternatives à la réforme patronale, à la destruction du système de retraite, du système de pension mis en place par à la suite des propositions du Conseil national de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est donc le système de retraite public géré par les syndicats, co-géré par les syndicats et par le patronat depuis 50 ans. Et donc d'expliquer pourquoi les contre-propositions que faisait la gauche antilibérale nous semblaient vraiment catastrophiques, quoi. C'est-à-dire que bon, on voyait bien que ça donnait un petit peu de courage et un petit peu d'armes aux gens pour se battre, et en même temps le contenu nous en semblait vraiment désolant. C'est-à-dire que c'était un appel à produire toujours plus, à monétariser toujours plus la vie sociale, à ce qu'il y ait de plus en plus de choses qui passent par l'argent. Bon, en gros, ce que proposent les économistes de gauche, c'est d'augmenter les cotisations sociales. Le discours, voilà, c'est faire plus payer les patrons pour financer la transition vers une société plus juste, plus égalitaire. Tout ça ne nous semble absolument pas sortir du cadre d'une société de croissance, d'expansion économique permanente, d'expansion monétaire et technologique, dont les effets nous semblent vraiment désastreux. Donc voilà, on a essayé de reprendre vraiment point par point les éléments que ces économistes mettent en avant et d'essayer de montrer qu'ils font avaler un certain nombre de couleuvres aux gens qui n'ont pas toujours certaines connaissances en la matière, quoi, en matière d'économie. Et donc on a placé le chapitre, disons, sur la vie quotidienne, et notamment sur la vie quotidienne des jeunes d'aujourd'hui, ensuite. Et en insistant sur le fait en particulier que beaucoup de militants, beaucoup de gens qui sont dans des milieux dits alternatifs, beaucoup de gens qui se conçoivent comme opposés, qui effectivement ont un véritable sentiment d'injustice, nous semblent adhérer à des choses complètement essentielles, et en particulier donc ont le plus grand mal à refuser la technologie, tout ce qui est internet, téléphone portable, et sont très rarement choqués là aussi par exemple par les propositions des gens d'attaque, du conseil scientifique d'attaque, quand il s'agit de monétariser la prise en charge des vieux, quoi, dans une société. Par exemple, cet économiste de Nanterre, donc, qui a été notre enseignant, qui s'appelle Bernard Friot, explique tranquillement que quand on accompagne quelqu'un vers la mort, il faudrait que ce soit une tâche rémunérée. Il a eu l'occasion de nous expliquer en public, devant un public un peu médusé. Il s'était récemment occupé d'un proche de sa famille, et qui pensait que ça devait être quelque chose de rémunéré, pour lequel il devait avoir droit à un versement de cotisation sociale. qui soit intégré quoi à sa contribution individuelle, à la richesse de cette société. Voilà, c'est là il y a vraiment des conceptions très très différentes quand même qui se trouvent face à face quoi. Et donc dans une troisième partie, et donc le livre se termine sur un chapitre consacré effectivement, disons au courant de pensée qui nous semble avoir été occulté. Par exemple, effectivement, ceux dont nous on a le sentiment de jamais avoir entendu parler dans nos études, ou alors immédiatement disqualifiés comme ridicules. Bon, on parle de par exemple de l'école de Francfort, des auteurs de l'école de Francfort, comme Marcuse, qui avait été quand même quelqu'un d'assez renommé en 68, et qui par la suite a très vite été oublié. On parle d'auteurs comme Jacques Ellul ou comme Bernard Charbonneau, qui sont sur lesquels il y a vraiment quasiment une omerta en France. Anna Arendt aussi, la lecture par exemple d'Anna Arendt pour nous a été importante. Là c'est un cas un peu différent. Anna Arendt par exemple, bon, là c'est sans doute un nom assez connu. C'est quand même une des philosophes les plus renommées et les plus citées là pour le coup dans l'université. Tout élève, tout étudiant qui arrive à 3-4 années après le bac a forcément fait un exposé sur Arendt, sur un livre d'Arendt. Et c'est quelque chose qui est volontiers cité par à peu près tout le monde. Et ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression que personne ne l'a lu. Enfin, c'est-à-dire que Arendt, c'est vraiment une critique frontale et vitriale quoi, de la science moderne. C'est une critique de la société de consommation qui est extrêmement poussée. C'est une véritable réponse. C'est une réponse et un dépassement de Marx, qui essaie de reprendre, de retenir ce qu'il y a de meilleur chez Marx, et en même temps d'en dépasser vraiment les impasses. C'est un petit peu plus théorique, peut-être, comme chapitre. Moi, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le bouquin, vous démontrez aussi que des intellectuels aujourd'hui ont toutes ces références, comme Dominique Méda, par exemple, qui connaissent bien toutes ces pensées-là, tout ça, font un bon développement en reprenant toutes ces idées, et à la fin arrivent à des propositions qui retournent au genre de propositions d'attaque, ou même à un moment, vous dites, elle aurait pu faire un discours de Jacques Chirac. C'est-à-dire, tu me parlais de l'économiste qui était votre prof, qui a tout aussi un bagage intellectuel intéressant, mais après qui retombe dans l'apologie du progrès, de la technoscience, tout ça, et que la sortie ne peut que se faire par des aménagements structurels, comme là tu parlais, par rapport aux retraites. Oui, ben, le cas de Dominique Méda, il est intéressant. On a eu l'occasion de l'entendre, de discuter avec elle, y compris après la sortie du livre. Bah, d'une part, nous, on avait trouvé très intéressant ces livres, hein, son livre consacré au travail, enfin, à l'histoire de cette notion, ou son livre aussi consacré à la richesse, qu'est-ce que la richesse. On a trouvé des développements très intéressants. Et en même temps, quand on discute avec elle, elle avait pas grand-chose à répondre à nos critiques. Ce qui ressortait surtout de son discours, c'était une sorte de découragement total, d'absence de perspective absolue. Et finalement, les propositions qui sont faites, c'est des propositions par défaut. Enfin, c'est peut-être un double discours, ça c'est possible. Mais tout un tas de gens, d'intellectuels y compris, sont assez conscients de l'état du monde et en même temps se raccrochent, se résignent à des propositions qui enfin, on voit bien que elles empireraient la situation. Et toute la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des points, des situations, des objets sur lesquels on puisse établir un front du refus un peu net et clarifier les enjeux et les oppositions. Bah, par exemple, oui, dans le cas de Dominique Méda, on peut penser qu'il y a quelque chose comme un double discours, puisque donc effectivement Dominique Méda, c'est quelqu'un avec qui on a eu un débat à un moment donné, et qui était effectivement... Bon, en gros, qui trouvait que tout ce qu'on racontait avait l'air fort raisonnable, quoi. La critique de la croissance, du développement, critique de l'idée de progrès, dénonciation, voilà, du fait que la gauche est incapable de penser une émancipation de l'homme qui ne passe pas par toujours plus de technologies, toujours plus de technologies hétéronomes et toujours plus d'argent. En face à face, elle avait été vraiment incapable de nous critiquer, enfin de construire une critique de ce qu'on disait. Et bon, par exemple, quelques jours après le référendum sur l'Europe, elle a publié une tribune vraiment hallucinante dans Le Monde, où elle expliquait qu'effectivement, à la suite du référendum, il fallait donc reconstruire un nouveau modèle social français, qui soit un peu hybride entre le modèle anglo-saxon et le modèle scandinave, plutôt donc entre un modèle un peu avec des tendances ultralibérales et un modèle plus social-démocrate. et où donc elle expliquait tranquillement qu'il fallait absolument augmenter le budget de la recherche, que le budget de la recherche de 3% du PIB, enfin, ce qui implique vraiment de recruter massivement quoi, des centaines de gens juste pour voilà, les avancées technologiques ou pour aider les entreprises à mieux analyser ce qui se passe, pourquoi les gens bossent ou bossent pas. Et donc elle proposait effectivement de se concentrer sur ce que la gauche appelle les emplois à forte valeur ajoutée, quoi. Elle disait, voilà, il faut entériner le fait qu'aujourd'hui, toute la production matérielle, toute la production, que ce soit des ordinateurs, quoi, des choses comme les ordinateurs, les imprimantes, ou, mais des choses beaucoup plus basiques comme l'alimentation aussi, en grande partie, est produite très loin des gens, quoi. Et qu'il y a une grande partie de la production matérielle qui a carrément été délocalisée à l'autre bout du monde, tout simplement. Et donc, bon, ça, c'est quelque chose dont il faut prendre acte, quoi. À aucun moment, il y a l'idée d'essayer de s'opposer à ça. En fait, en sortant d'une conception politique hyper technocratique, hyper qui se pose en gestionnaire, en fait, et en gestionnaire d'un marché mondial qu'on accepte, à aucun moment il y a l'idée d'essayer de s'occuper, de se battre sur le front de la vie, quoi, de se battre sur le front de la production par chacun de ses conditions de vie. C'est des choses qui... Quand on leur dit oui, quoi, mais là on voit bien, par exemple, que la seule proposition qu'elle est capable de faire dans le débat public, c'est des choses... Qui sont totalement aberrantes, quoi. C'est l'idée de créer en France toujours plus d'emplois, donc ce qu'ils appellent des emplois qualifiés, c'est-à-dire des emplois de service qui demandent beaucoup de diplômes, qui sont sans doute très liés à la technologie. Les emplois aujourd'hui à forte valeur ajoutée, honnêtement, pour vivre dans Paris, pour voir tous ces gens aller travailler dans la banque, dans les assurances, dans les cabinets de consulting, dans les cabinets de ressources humaines, dans le marketing... c'est des choses qui sont totalement, je pense qu'on peut dire, parasitaires, quoi. En tout cas, qui produisent aucune richesse humaine, qui sont juste des appendices, quoi, de la grande machine capitaliste. Et l'idée de critiquer ça un peu frontalement, évidemment, elle va critiquer ça à la marge, de façon très abstraite, dans ses livres, dans sa réflexion théorique, le côté d'elle qui est philosophe, quoi, disons. Et puis, à côté de ça, le type de... Le projet politique, quoi, c'est vraiment totalement, totalement intégré. On peut lire juste un petit passage de vous avez repris qu'il avait écrit en 96 sur l'histoire de la croissance, là. Alors c'est le développement humain est une fin dont la croissance économique est le moyen. La croissance économique doit donc avoir pour finalité d'enrichir la vie des personnes, ce qui est bien trop rarement le cas. Les dernières décennies montrent. On ne peut plus clairement qu'il n'existe pas automatiquement de lien entre croissance économique et développement humain. L'entrée dans le 21e siècle nécessitera globalement une accélération et non un ralentissement de la croissance. Dans le même temps, il importe de consacrer davantage d'attention à la qualité de cette croissance afin de s'assurer qu'elle accompagnera les objectifs que sont le développement humain, la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement et la viabilité à long terme du développement. Julien, tu voulais rebondir suite à la splendide phrase de Dominique Méda sur le développement et la croissance, le développement humain et la croissance. Oui, qui est une phrase qu'on retrouvera sans doute lors des prochaines campagnes électorales, tellement elle est creuse, tellement elle essaye de récupérer un certain nombre d'interrogations qui sont de plus en plus courantes pour en faire rien, quoi, pour simplement justifier l'ordre existant et la poursuite de la catastrophe. Et oui, ce qui est à notre avis important de voir, c'est qu'il y a une attitude qui pouvait paraître pragmatiste à certaines époques antérieures, en 1936 par exemple, ou même après la Seconde Guerre mondiale, qui est, on va appeler le réformisme, quoi, qui pouvait apparaître comme simplement la version réaliste d'une doctrine plus radicale, éventuellement révolutionnaire. Et cette position social-démocrate, aujourd'hui, elle est devenue totalement incohérente. Je ne dis pas qu'elle l'était forcément auparavant, mais aujourd'hui elle est totalement incohérente parce que toutes les exigences de ce genre de programme de réforme de gauche, elles sont absolument catastrophiques d'un point de vue écologique, d'un point de vue humain, etc. Puisque elles sous-entendent, pour être réalisées, elles sous-entendent un approfondissement de la compétition économique, elles sous-entendent le fait que la France se jette vraiment à bâton rompu dans cette compétition économique, compétition pour l'approvisionnement en matières premières, sécurisation de tout ça, etc. Qu'elle se jette également à bâton rompu dans la colonisation des rapports sociaux par la marchandise, etc., pour soutenir le développement, et que tout ça sape complètement, mais vraiment radicalement, les bases concrètes minimales pour imaginer autre chose. Et que donc cette position social-démocrate aujourd'hui, elle est écrasée et qu'il faut absolument en prendre acte, sous peine de sombrer dans la schizophrénie pure et simple. Ce qui nous semblait important de dire, pour sortir un peu du débat avec... voilà, avec les forces de progrès, quoi, cette sorte d'intelligentsia de gauche, c'est que, bon, nous, ce qui nous paraît important, ce qu'on voulait avant tout mettre en avant, c'était la difficulté aujourd'hui, ce qui nous semble essentiel, c'est que, aujourd'hui, c'est sans doute en partie ce qui s'est manifesté dans le mouvement qu'a secoué les lycées, de façon assez surprenante, pendant cette année, l'année scolaire, c'est le fait que pour des jeunes qui rentrent dans la vie soi-disant active, bon, il est vraiment très très difficile d'imaginer quelque chose d'épanouissant et d'intéressant à faire à l'intérieur de cette société. Il y a de moins en moins de niches, quoi. Il y a de moins en moins de domaines dans lesquels on peut faire quelque chose qui soit pas totalement absurde ou voire vraiment très très nuisible écologiquement, humainement. Bon, il nous semble que voilà, c'est ce genre de choses dont il faut partir avant tout et analyser ce que sont devenus ce qui était autrefois des métiers. Et voir dans relier la question de l'impuissance politique, quand on voit beaucoup de militants, beaucoup de figures des mouvements de contestation du capitalisme, des figures du mouvement ouvrier, des figures du mouvement libertaire, il se trouve que c'était souvent des gens qui étaient par exemple artisans, enfin qui avaient des savoir-faire. Il nous semble que c'est des choses qui sont jamais auxquelles on réfléchit jamais, quoi, et qui sont absolument fondamentales. Et que l'idée que la destruction notamment de notre relation au cadre matériel et à la production des conditions de vie par les individus, par des communautés avec une dimension un minimum locale, le fait que ça s'en aille, que ce soit alors que c'est tellement récent, et alors que c'est tellement une première dans l'histoire de l'humanité, que ça puisse paraître aussi naturel à tout le monde, ça nous semble vraiment incroyable, quoi. Bon, c'est avant tout là-dessus qu'on voulait mettre l'accent, parce que effectivement, on vient de milieux, socialement, de par notre milieu social ou quoi, qui est en gros, classe moyenne, progressiste, sympathique, antiraciste et tout ce qu'on veut, quoi. C'est des gens à qui, que tout ça ne choque pas, quoi, choque pas fondamentalement, et même quand on les secoue très sérieusement, ils finissent par admettre que c'est bien un peu un problème, mais ils vont pas se mettre à réorganiser leur conception politique à partir de ça, quoi. Et ça nous semble assez dramatique, et en tout cas ça nous semble sans issue, quoi, tant qu'on en reste là. Sinon, moi je voulais savoir comment il a été donc reçu le bouquin, parce que vous tapez sur des gens que vous fréquentez peut-être, vous avez parlé de profs. De moins en moins quand même. De moins en moins peut-être, parce qu'il y en a qui se sont peut-être vexés par le bouquin, ou en tous les cas que vous pouvez être amené à rencontrer assez facilement sur Paris, sur la scène parisienne. La scène du Grand Théâtre parisien. Aussi, est-ce que, je ne sais pas, au niveau médiatique aussi, est-ce qu'il y a eu un certain écho? Est-ce que des gens ont compris ce qui a été dit? Ou est-ce que, comme ça a pu se faire sur certains autres bouquins, il y a une acceptation de certains concepts plus ou moins abstraits, mais c'est de l'utopie gentille et naïve et très loin, et que par rapport à la vie concrète, ça n'a pas de prise, ou des choses comme ça? Globalement, l'accueil du livre, il a été, on va dire, le mot qui résumerait le mieux, ce serait sympathique. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde était, à la fois nos proches, y compris nos amis avec qui on discutait, avec lesquels on n'était pas d'accord. Avec qui on disputait. Ils étaient avant tout très contents qu'on écrive un livre, puis ce qu'il y avait dedans, c'était finalement assez secondaire. Mais plus généralement, ce qui nous a frappé, c'est qu'on a eu quasiment aucune critique, en fait. En fait, on avait l'impression que la majorité des gens sont confusément d'accord avec le constat d'une catastrophe généralisée, confusément d'accord avec l'idée que depuis 50 ans, notre société a cumuler les erreurs, disons, confusément d'accord avec l'idée que la seule voie pour sortir de l'ornière, c'est de réorienter radicalement, de bouleverser radicalement la manière de produire ensemble et la manière de vivre ensemble. Mais qu'après, chacun est tenu par sa situation, par éventuellement son petit confort, etc. Donc il n'y a pas, en fait, il n'y a même plus de discours en face d'une critique de la société marchande industrielle. Il n'y a même plus rien, en fait. La religion du progrès, c'est une religion qui, à la fois, peut apparaître forte, mais qui repose vraiment sur rien. Dès qu'on gratte un peu, il n'y a rien du tout. la force de la religion du progrès aujourd'hui, c'est l'accablement généralisé. C'est rien d'autre. Il y a peut-être une toute petite élite technophile mondialisée qui y croit vraiment, mais l'énorme majorité des gens, y compris des gens qui sont en fait impliqués activement dans la gestion de ce système et dans l'approfondissement de ce système, y compris ceux-là, en fait, n'y croient pas. Enfin, c'est... Bon, alors, c'est à la fois un constat pessimiste, mais en même temps, peut-être que c'est de ça qu'il faut partir. C'est que le soutien à ce système, c'est une sorte de soutien qui fonctionne par l'inertie et qui fonctionne parce que les gens sont isolés. Moi, je pense qu'un épisode sur lequel c'est intéressant de revenir, c'est par exemple... Donc, effectivement, c'est très frappant, quoi, qu'il y a eu, dans tout ce qui est presse, par exemple... Il n'y a pratiquement pas eu de critiques. Il y avait même des articles qui étaient franchement très positifs. Et bon, il y a bien, par exemple, Technicart, le journal branché parisien, qui est un peu le type d'état d'esprit contre lequel on a écrit quasiment, qui trouvait que c'était un petit peu puritain, parce qu'on avait l'air de dire quand même que les boîtes de nuit parisiennes, c'était pas génial, enfin, c'était pas la meilleure façon de s'épanouir et de construire des liens entre les gens. Mais bon, même par exemple un journal comme ça, qui était pourtant, je pense, plus ou moins explicitement visé, même si on n'avait pas pensé à eux parce qu'on lit pas ce journal, mais je veux dire, c'est absolument pas senti en devoir de faire une critique violente ou un rejet violent de ce bouquin. Il a été considéré plutôt comme très intéressant, etc. Donc on arrive vraiment à une situation un peu bizarre où les gens à la fois se font rentrer dedans violemment, mais vous remercient presque, quoi. Et donc, bon, on a eu aussi l'occasion d'en discuter à la fac. Mais bon, pour nous, clairement, vis-à-vis d'un certain nombre de gens à l'intérieur de l'université, c'était un propos qui était totalement incompatible avec ce qu'ils font, avec le type de proposition politique qu'ils cautionnent, implicitement ou explicitement, dans leurs travaux. Et bon, ce qui était rigolo, donc, quand on a présenté ce livre, on s'est vraiment dit que ça allait sans doute mal tourner, quoi. Il y avait une personne apparemment qui était très choquée, qui était très très hostile et qui est partie en fait. Et toutes les autres personnes nous ont dit, en gros le propos c'était franchement les jeunes, chapeau quoi. Chapeau parce que là vraiment vous posez les vraies questions, vous posez derrière les questions qu'on se posait quand on avait votre âge, les questions des années 70, donc mise en cause du développement, de l'emprise de l'économie sur la vie, y compris dans sa dimension de technologie, de confort, etc. Vraiment, vraiment, c'est bien. Bon, faites attention de pas oublier les inégalités quand même. Mais franchement, c'est bien qu'il y ait des gens comme vous, quoi. Et puis bon, le lendemain, ils continuent. Ils retournent à leurs affaires, Moi leurs aussi, enquêtes. Moi aussi, quand j'avais ton âge, j'avais pensé à ça, et j'espère bien que quand tu auras le mien, tu seras intégré de la même manière. Bah bon, à la limite, ils aimeraient bien. Peut-être que ça leur ferait plaisir qu'on arrive à faire basculer un peu des choses. Mais bon, faudra vraiment pas compter sur eux pour grand-chose, quoi. En écho à ce que disait Julien, je pense que c'est intéressant de revenir sur ce qui s'est passé au moment du référendum, parce que ce qui s'est manifesté à ce moment-là, c'était quand même malgré tout un rejet. Donc la victoire du non au référendum a été assez nette. Et bon, très clairement, il y a énormément de gens qui n'ont pas voté. Parmi les gens qui n'ont pas voté, il y en avait d'ailleurs moins que d'habitude. C'était souvent des opposants à cette société et par exemple donc à l'Europe telle que à ce type de construction d'un État bureaucratique européen, etc. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que effectivement la gauche qui a eu le sentiment de remporter la victoire, quoi, disons, dans cette affaire, nous notre sentiment c'est qu'elle représente vraiment très très peu de monde, quoi, au fond. Et donc ça s'est manifesté par le fait que, par exemple, contrairement peut-être à ce qui a pu apparaître de loin dans les médias, par exemple dans les rues de Paris, à la Bastille, le 29 mai, il n'y avait absolument personne. C'était assez tragique, en fait, parce que il y avait quelques militants, quoi. Il y avait quelques dizaines de militants. Il y avait quelques dirigeants plus ou moins issus des organisations trotskistes, quoi, qui hurlaient des choses horribles, de reconstruire l'Europe des citoyens, de la croissance et de l'emploi, et qui étaient applaudis à tout rompre par quelques centaines de personnes. Mais c'était hyper triste parce qu'on se rendait compte qu'il y avait, en fait, il y avait à la fois dans ce vote, il y a clairement une inquiétude énorme qui s'est exprimée et quand même, moi je pense quand même un rejet, très clairement, et en même temps un rejet qui est totalement désarmé. Là, c'était l'occasion de dire merde à ce qu'il faut malgré tout appeler une classe dirigeante, même si ça se pose pas dans les mêmes termes qu'il y a 50 ans ou 200 ans, comme très très loin. Mais bon, il y a quand même quelque chose comme une élite dirigeante, une élite gestionnaire, donc c'était l'occasion de leur dire merde. En réalité, il n'y a pas d'espoir sérieux. Les gens ne se sentent pas avoir une prise. et en tout cas ils se sentent sûrement pas représentés. Toute la mouvance attaque gauche alternative représente en fait visiblement une partie des classes moyennes qui est dans un certain risque de paupérisation. Voilà, des gens qui se rendent compte que leurs enfants n'auront pas de promotion sociale, contrairement à ce que leur génération a pu avoir dans une société de croissance, de plein emploi, d'expansion économique, de progrès, etc. Et donc il y a une inquiétude, et il y a un rejet parfois, qui part quand même de choses sensées évidemment, mais un rejet qui se refuse à être conséquent. Ou pour la plupart des gens quand même, ils restent quand même dans l'idée qu'on est face à une offensive idéologique. Que ce qui ne va pas, c'est que les rapports de force sont défavorables au peuple, ou aux salariés, ou aux petites gens, et que, en fait, on s'est laissé berner, quoi. Après 68, effectivement, les élites se sont réorganisées, ont construit un discours idéologique puissant, qui a réussi à rassembler, à discréditer un peu le marxisme, etc. Et donc, on serait face à un matraquage, qui donc démoralise les gens, leur fait perdre de vue qu'en fait, ils pourraient... il suffirait en fait d'inverser le rapport de force, que ce qu'il faut c'est penser que c'est pas vrai en fait, que les richesses on peut se les approprier, etc. Et qui ne voit absolument pas que ce discours accompagne en fait une réalité. Il n'y a pas de raison que cette société-là, avec cette division du travail totalement délirante, où chacun au travail contribue à une petite tâche complètement absurde, complètement limitée, sur laquelle il n'a aucune prise, il n'y a pas de raison que cette société-là soit égalitaire et libre, quoi, et qu'elle donne de la liberté aux gens. Et c'est ça, c'est très concret. C'est lié à l'organisation, c'est lié au développement technologique, au transport, aux communications, qui sont vues comme des choses émancipatrices et qui, en réalité, nous enferment, donnent une force à la logique économique qui la rend réellement implacable. Tant qu'on adhère à un côté de la médaille, quoi, on ne peut pas rattraper de l'autre côté par la redistribution, par... C'est très difficile. Mais même moi, j'ai l'impression que, tu vois, tu parlais de la liberté, j'ai même l'impression que la recherche de la liberté, qui était quand même historiquement quelque chose d'extrêmement ancré dans les projets de lutte sociale, dans l'opposition et tout, tend à disparaître. On ne parle plus de la liberté, on parle de l'égalité. Et qu'il y a donc un glissement là-dessus, parce que c'est tous ensemble dans la même merde, de la même manière, mais plus du tout comment être libre et quel est un projet d'émancipation sociale qui était quand même à la base de ce qu'a été le mouvement ouvrier, de ce qu'a pu être les Lumières, de ce qu'ont pu être, enfin, de tout un tas de courants de pensée qui ont quand même marqué leur époque et qui étaient une attaque frontale contre des classes dirigeantes et contre un système dominant. Et que ça, c'est aussi extrêmement grave et dangereux. On oublie certains fondements sur lesquels peut s'élaborer une pensée critique. Les derniers qui parlent encore de liberté, c'est les ultralibéraux. Et quelque part, il faut reconnaître qu'ils ont raison. C'est un peu provocateur, mais ils ont raison. C'est-à-dire que dans ce monde-là, la manière d'être le plus libre possible, c'est effectivement d'essayer d'être parmi les gagnants au jeu économique. Et qu'à l'opposé, dans la bouche de ceux qui sont bien conscients de l'horreur que représente l'économie marchande, eh bien... On en vient quasi naturellement à demander plus de règles, plus de réglementations, plus de contrôles pour pas qu'on puisse les laisser faire. Et là, on est dans une impasse totale, c'est sûr. We'll be right back. nous avons un coup de téléphone, c'est Alex. Ouais, et en fait, moi je me demandais à propos de Don Quichotte s'il n'y avait pas une erreur sur le moulin visé. Parce que c'est peut-être ce hiatus qu'il y a entre le corps du livre et le commentaire que vous faisiez sur la manière dont le livre a été reçu. C'est-à-dire que globalement, il y a par ailleurs beaucoup de gens qui l'ont reçu plutôt d'un œil bienveillant, sans suite. Mais est-ce que ça signifie pas tout simplement que c'est pas vraiment le problème des idées qui se pose, c'est le problème des tripes et de la capacité d'organisation, c'est-à-dire que les gens disent ce qu'ils pensent, beaucoup d'entre eux seraient prêts à abandonner du jour au lendemain, mais pour faire quoi le lendemain, concrètement, ils se retrouvent le bec dans l'eau. Alors on peut dire, eux, c'est la part de l'aliénation, de l'habitude, du bras dans l'engrenage, puisqu'on est déjà avec toute sa famille, avec une dépendance qui est difficile à quitter du jour au lendemain. Et qu'est-ce qui a manqué? C'est quand même au niveau des tripes, de l'organisation, de la possibilité. C'est un niveau plus profondément humain que ça se situe. Je ne pense pas que ça se situe seulement au niveau des idées. Je pense qu'on peut même trouver des gens qui sont dans des a priori très positivistes, comme on dit, qui croient beaucoup à la notion de progrès et qui concrètement seront capables de vivre d'une manière radicalement différente, et d'autres qui se pensent tout à fait en opposition avec cette idée de progrès et qui seront incapables de le quitter. Moi, je suis complètement d'accord que c'est un problème aussi de tribe, d'arriver à s'organiser collectivement. On vit dans une société qui rend difficile. Enfin, je veux dire, on est produit en tant qu'individu. Cette société nous produit. On n'est pas disposé à la vie collective, quoi. C'est pas du tout évident. C'est quelque chose qui doit se construire, sans doute progressivement. Mais malgré tout, les idées, c'est quand même très important. Il y a un certain nombre de ruptures à faire sur le plan des idées. Je pense qu'on pourrait être très organisé. Enfin, je veux dire, on pourrait imaginer des groupes très organisés qui se fixent comme but d'aller dévaliser des supermarchés, d'aller buter des patrons. Et aujourd'hui, c'est des choses qui serviraient à rien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une voie qui serait sans issue. Donc s'organiser, oui, mais effectivement, il y a la question de pourquoi faire. Et il y a la question de comment le faire. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de ruptures mentales qui sont nécessaires. De se dire, par exemple, qu'il ne faut pas attendre grand-chose des pouvoirs publics, voire qu'il faut en attendre avant tout une opposition frontale à toutes les tentatives sérieuses qui seront faites pour s'organiser hors de ce monde. Parce que quand on accède à des postes de responsabilité, d'élus ou de technocrates quelconques, même à un niveau, je veux dire, départemental ou régional, on se retrouve en position de gérer la place de son territoire dans une compétition à l'échelle nationale. Quand on est, secrétaire à je sais pas quoi à l'aménagement du territoire en Bourgogne, on se bat pour qu'il y ait plus de tourisme en Bourgogne que dans la région centre et pour qu'il y en ait plus qu'en Ardèche. Donc il faut à un moment réaliser que la question du rapport avec le pouvoir, le fait que les gens qui tiennent des responsabilités dans cette société sont structurellement en position de s'opposer à son... sont structurellement en position d'encourager quoi son développement et le fait qu'on va dans le mur. Ils ne peuvent sans doute pas faire autrement. Et que donc il faut s'organiser en dehors de ça et contre ça, arriver à créer une autre logique, ce qui est compliqué. Il y a un certain nombre de ruptures mentales. De même, je pense à la question des transports, par exemple. Bah effectivement, c'est très bien de s'organiser, mais si on ne s'attaque pas et si on n'arrive pas, par exemple, à s'opposer au développement des aéroports, des TGV, ou si on compte éventuellement en profiter pour dans une optique militante, bah on est dans une contradiction qui est intenable et qui de toute façon, fait qu'on se plante, parce que l'organisation qu'on essaie de monter avec courage, etc., et bah sera rattrapée par le monde. Enfin, si elle n'arrive pas à s'y opposer et à semer des idées différentes, quoi... À un moment, cette question-là est quand même très importante. Dans le livre, à un moment, on prend ce genre de... Par exemple, effectivement, c'est quelque chose qui a aussi été dit à propos du Chiapas, que c'était grâce à Internet que la révolte du Chiapas, où il y avait par ailleurs, où il y a par ailleurs des choses évidemment intéressantes en termes de reconquête d'une certaine autonomie de subsistance, mais on a dit, voilà, s'il n'y a pas eu un massacre terrible quoi, au Mexique à la suite de l'insurrection zapatiste du 1er janvier 1994, c'est parce qu'ils ont pu lancer des appels par Internet, mobiliser les opinions publiques mondiales, mobiliser Daniel Mitterrand. C'est sans doute vrai. De toute façon, quand on est dans une situation donnée, moi, si je me balade à un moment dans la campagne avec une personne âgée et que tout à coup la personne âgée a un malaise, bon bah s'il y a quelqu'un qui passe avec un téléphone portable, je vais évidemment l'utiliser quoi. Une fois que je suis dans cette situation là, dans ce monde là maintenant. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas penser les effets de ce truc là. Ça veut pas dire qu'il faut s'interdire de penser les effets d'un objet. Donc là, si on est sur le plan de l'analyse de la technologie, que cet objet, par tout ce qu'il appelle, par tout ce qu'il présuppose et par tout ce qu'il appelle, est incompatible avec un monde libre, je pense. C'est les choses que disait, je sais pas, Orwell par exemple, dont il y a beaucoup à tirer, en termes d'état d'esprit, quoi, en termes de façon d'appréhender les questions, même quand il y a des questions dramatiques, pendant par exemple la Deuxième Guerre mondiale ou la montée du fascisme. Orwell fait déjà une réflexion très intelligente sur la machine dans les années 30 et sur la mécanisation du monde et sur le fait que en fait souvent les gens qui s'appellent socialistes, qui se disent tels, sont avant tout des gens qui aspirent à un monde totalement mécanisé où il n'y aura plus d'efforts à faire. Et donc il souligne qu'effectivement une fois que les machines sont là, de toute façon, bon en tant qu'individu, il y a plein de fois où c'est assez ridicule de les refuser, enfin de ne pas l'utiliser quand, voilà, quand elle est là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas quand même penser ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, dans le cas du téléphone portable, par exemple, ou des ordinateurs, bon, bah, très clairement, l'arrêt de la production de ces joujoux serait une nécessité absolue quoi, vis-à-vis des cimetières d'ordinateurs qu'il y a en Chine, vis-à-vis des cimetières de téléphones portables, vis-à-vis du fait qu'il y a une partie des guerres civiles en Afrique, au Congo, qui sont liées à la production, à l'extraction de minerais en vue de fabriquer des téléphones portables. C'est des choses. Voilà, si on peut immédiatement arrêter ces trucs-là, c'est une bouffée. C'est une nécessité absolue. Et en même temps, évidemment, bah, c'est des trucs que ce système nous interdit. Enfin, c'est inenvisageable dans le cadre actuel, quoi, de mettre en cause ces trucs-là. Je pense que c'est important d'avoir un équilibre entre la position globale et après ce qu'on fait dans sa vie, les situations humaines où on se trouve, sans devenir schizophrénique, ce qui n'est pas toujours facile. On est dans une société, de toute façon, qui... Ouais, donc c'est une des principales forces. Elle a une capacité à rendre les gens schizophréniques. Donc après, voilà. D'accord, ouais. D'autant que je crois que le moulin le plus inaccessible pour Don Quichotte, c'est celui des ambivalences. Parce qu'il est vraiment difficile à cerner, celui-là. Ouais, ouais. Bon, bah, à bientôt. Hein. Bah, à très bientôt, ouais. Voilà, on va terminer cette émission donc, où c'est Mathieu Amiech et Julien Materne qui ont causé hein, autour de ce bouquin, donc Le Cauchemar de Don Quichotte. Vous vouliez peut-être lire l'introduction. L'introduction, plutôt les deux oui. Citations en exergue qu'on a choisies et qui en fait expliquent le titre. Parce que c'est vrai que le titre peut paraître un peu énigmatique si on ne lit pas ces deux phrases en exergue. C'est une citation d'un roman de Chesterton qui s'appelle Le Retour de Don Quichotte, qui a été écrit en 1927. C'est un des personnages en fait qui représente plus ou moins l'auteur, on peut dire, qui s'adresse ainsi à un personnage qu'on pourrait appeler syndicaliste, partisan du progrès, partisan de l'égalité, etc. Et donc cet autre personnage s'adresse à lui en lui expliquant à la fin du roman: toute votre machine, est devenue donc cette machine de la société industrielle en train de se construire, toute votre machine est devenue si inhumaine qu'elle en est devenue naturelle. En devenant une seconde nature, elle est devenue aussi lointaine, aussi indifférente, aussi cruelle que la nature. Le chevalier chevauche à nouveau par les forêts, seulement c'est parmi les roues qu'il se perd et non parmi les bois. Vous avez construit votre système sans vie à une si grande échelle que vous ne savez pas vous-même comment ni où il frappera. Voilà le paradoxe. Tout est devenu incalculable à force d'être calculé. Vous avez attaché les hommes à des outils si gigantesques qu'ils ne savent pas à qui les coups sont portés. Vous avez justifié le cauchemar de Don Quichotte. Les moulins sont effectivement devenus des géants. Voilà, et pour nous cette citation, elle nous parle beaucoup dans la situation actuelle. Parce que, effectivement, le monde actuel, encore plus qu'en 1927, le monde actuel est devenu si complexe, si démesuré, que finalement, une situation où il serait simple de définir les ennemis, et donc à partir de là, il serait simple de définir un combat, eh ben, elle n'existe pas. C'est-à-dire que, effectivement, on ne sait pas quelles sont les conséquences de nos actes quotidiens. En tout cas, pour le savoir, il faut faire une recherche. Et ces actes sont si démesurés, si incommensurable qu'il est de toute façon quasiment impossible d'en tenir compte dans sa vie quotidienne et y compris pour définir des objets de lutte ou des ennemis, ça demande un réel travail et c'est vraiment compliqué de s'opposer à tout ça. Alors c'est un constat d'impuissance et en même temps il nous semble que c'est le premier constat à faire avant de se lancer dans des perspectives stratégiques d'offensive qui de toute façon à l'heure actuelle ne sont pas sont pas à l'ordre du jour. Et au regard de cette citation, on avait, un peu pour... pas pour rigoler, mais bon, enfin pour... si, pour rigoler un peu, on avait mis les paroles d'un chant révolutionnaire qu'on a eu l'occasion d'entendre dans quelques manifs, et qui est cité par Olivier Besancenot, donc dans son livre qui s'appelle « Révolution », je crois. Et cette phrase, c'est « Tout est à nous, rien n'est à eux, tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé », etc. Enfin, et bon alors c'est sympathique comme refrain, mais là il nous semble vraiment que c'est ne rien comprendre à la situation actuelle. Tout est à eux, les radiations nucléaires, le changement climatique. Oui voilà. Voilà. Vous auriez pu mettre tous ensemble. Ouais. Bon bah ouais non et je pense que. Ce qui paraît important aussi dans ce contexte, bon déjà c'est de construire, il faut absolument construire quand même des lieux, tisser des liens entre les gens pour qu'ils redeviennent possibles. Voilà, l'idée c'est de dire actuellement se débarrasser des gestionnaires de la domination, c'est bien joli, mais c'est pas par hasard qu'ils sont là, quoi. Je veux dire, on ne sait pas faire marcher la machine sans eux, et quand la machine s'écroulera, ce sera vraiment terrible. Et donc. Je pense que dans tout changement par le passé, disons les grandes révoltes, les grands moments de révolte sont venus valider ou tenter de valider des évolutions qui étaient déjà en germe dans les esprits, dans les pratiques, et où les gens étaient prêts au changement. On peut interpréter le fait que 68, par exemple, n'est pas abouti, comme le fait que ça a été une explosion fantastique, et bon, qui s'est prolongée ensuite dans les années 70, par exemple en Italie, et qu'en même temps, probablement les gens n'étaient pas tout à fait, étaient pas, voire pour certains pas du tout, prêts à vivre vraiment autrement. Ils étaient prêts à se révolter, on était prêts à ce moment-là à arrêter la machine pendant plusieurs semaines, à créer comme ça des moments assez fantastiques. Et en même temps, derrière, ça ne suivait pas, parce que peut-être que la vie, enfin voilà, il y avait un moment où la vie quotidienne, telle qu'elle est organisée par cette société, reprenait le dessus, quoi. Ça restait un moment d'exception. Et donc voilà, l'idée c'est toujours de construire des bases pour que ça puisse ne pas être tout à fait des moments d'exception, ça puisse véritablement ouvrir sur autre chose. Mais même aujourd'hui, le moment d'exception est encore plus dur à trouver. Ah bah ça, de toute façon. Mais bon, après, voilà, moi je pense qu'une nouvelle fois, il y a quand même beaucoup de gens qui sont désespérés. Ouais. Et c'est vrai que parfois, quand on voit les gens dans le métro, c'est quand même difficile de dire que ça va péter. Mais on sait jamais. Et justement, le problème c'est que ça pourrait très bien péter. De façon totalement nihiliste, ouais. Totalement sans une nouvelle fois comme bon là ce qu'on a vu là c'était comme dirait Jean-François Kahn, c'était mai 68 dans les urnes quoi avec le référendum. Bon, on pourrait imaginer un truc beaucoup plus effectivement beaucoup moins policé quoi. On sait jamais, mais de toute façon si ça arrivait dans les circonstances actuelles, ce serait peut-être encore plus catastrophique. Il y a aussi à mon avis un équilibre à trouver entre ils ont une espèce d'optimisme alternatif quoi qu'on voit parfois dans certains milieux. y compris face aux sentiments de catastrophe, notamment écologique. Par exemple, on entend parfois des gens dire très sérieusement « Bah oui, mais tu n'étais pas au courant, dans 5 ans, il n'y aura plus de pétrole, et donc bon, bah, on va bien être obligé de s'organiser, quoi. Je veux dire, ça va se faire, quoi. La société va changer, les dirigeants vont comprendre, quoi. » Et bon, ça, c'est vraiment des choses qui sont totalement déplacées, parce que les choses risquent évidemment de se passer très mal. Et puis, bon, bah, de l'autre côté, évidemment, il ne faut pas tomber dans un désespoir qui soit totalement démobilisateur. Il faut arriver, malgré tout, à faire des choses, à créer des collectifs et des bases de vie qui ouvrent vers autre chose, quoi. Bien. Bah, sur ces belles paroles, on va aller méditer tout ça pour essayer de créer le moment d'exception permanent. Justement. Contre l'état d'exception permanent. Et voilà, c'était donc Mathieu Amiech et Julien Materne qui présentaient Le cauchemar de Don Quichotte, Retraite, productivisme et impuissance populaire, un ouvrage qui avait été écrit en 2004 et qui a été réédité fin 2013. Et donc là, c'était une émission qui avait été faite en 2005 et qui repasse aujourd'hui en 2014. Et donc, oui, la réédition, c'est aux éditions La Lenteur. Et peut-être pour compléter un peu le propos sur la critique du développement, on peut signaler à propos des 30 Glorieuses dont il a été un peu question et qui est une espèce de mythe pour la gauche, on peut citer donc un ouvrage qui a été coordonné par Céline Pessis, Cézine Tupsou et Christophe Bonneuil, Une autre histoire des 30 Glorieuses, modernisation, contestation et pollution dans la France d'après-guerre. Et ça, c'est publié aux éditions La Découverte fin 2013 aussi. Et donc voilà, c'est un ouvrage qui revient sur cette période des 30 Glorieuses, période de modernisation. Et là, c'est un peu plutôt la face noire de cette période qui est analysée, notamment du côté des pollutions, de la contestation aussi, de cette modernisation, etc. Les trois personnes qui coordonnent cet ouvrage font partie un peu de la brochette d'historiens qui, depuis quelques années, publient des ouvrages assez critiques sur l'industrialisation, la modernisation et la société industrielle. Donc voilà, c'est un ouvrage que je vous recommande aussi. Sur ce, bien, on va terminer cette émission et je vous dis à la prochaine. C'était Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle.